On a aussi planté d'autres vivaces ici. Diane Boyer est une militante montréalaise. Avec plusieurs de ses concitoyens, elle investit le terrain vague de son quartier sans le consentement du propriétaire pour en faire un jardin public ouvert à tous. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un mouvement apparu aux États-Unis sous le nom de guerrilla gardening ou de guérilla jardinière. Le plus souvent armés de pelles et de pioches, ces guérilleros du jardin confectionnent également des bombes de semences, un mélange de terre, de graines et d'argile présenté sous forme de boules qui sont lancées dans les terrains les plus inaccessibles. On n'a pas beaucoup de terrain vert, on n'a pas beaucoup de parcs, ça nous manque. On a besoin de réintégrer la nature aux villes. Et c'est pour ça que j'aime les mouvements de guerrilla gardening. Et pour réintégrer la nature à la ville, certaines associations encouragent le développement de potagers dans le cadre des espaces urbains. Ismaël Hautecoeur est le président du regroupement des jardins collectifs du Québec. Le citadin ne définit pas le cadre urbain, on ne décide pas du plan d'urbanisme. Et à travers l'horticulture, l'aménagement du territoire, de l'espace, bien, on peut permettre aux gens de se réapproprier un espace, même si c'est symbolique, c'est quand même important au niveau du bien-être et du sentiment d'appartenance là, dans un... non seulement à une communauté, mais aussi à un territoire. Pour rendre la ville plus écologique, des groupes de citoyens n'hésitent pas à devancer les pouvoirs publics. À Toronto, l'organisation Urban Squad, lassée de devoir attendre les pistes cyclables promises par la ville, a décidé de prendre les choses en main en assurant le traçage des voies réservées aux vélos. Bien que minoritaires, ces groupes s'inspirent tous des principes d'écologie urbaine qui connaissent aujourd'hui un véritable engouement. Luc Rabouin est le directeur du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Je crois qu'on a de plus en plus conscience du rôle important que les villes peuvent jouer dans les solutions à la fois à la crise écologique et à la crise sociale. Et l'écologie urbaine, en ce sens-là, amène des éléments, des pistes d'action, des éléments de réponse intéressants. Et sous la pression des citoyens, de plus en plus de villes se dotent aujourd'hui de politiques et de chartes d'écologie urbaine. Montréal, Damien Bertrand pour France Info.